Cette conférence a pour titre « Vive une heure dans le futur ». Fait qu'en ce moment, on se trouve dans une classe de l'an 2000 et plus. C'est des grandes classes, là. Ben oui, ça. Puis, je vous présente notre professeur, notre chrono-professeur. Alors! Chers étudiants. Chers étudiants! Tout à l'heure, c'est intéressant, à l'entrée, je demande à ton garçon, te rappelles-tu la fois où les arbres avaient changé? Tout ça, son garçon avait 8 ans à l'époque. Puis il cherche, il dit, c'est-tu la fois là, qu'il pleuvait beaucoup, beaucoup, puis qu'il ne nous pleuvait pas dessus? Là, je dis, oui. Ah, oh, mais non, mais t'as endormi ses genoux à Réal. Ah, c'est correct. Enfin, ça n'est pas trop traumatisé qu'il pleuve ailleurs. Alors, effectivement, n'est-ce pas, bienvenue de ce soir à tout le monde, vous qui assistez à une conférence de sensibilisation sur le déplacement temporel. Alors, nous allons, vous avez tous suivi des séances d'information pour vous sensibiliser, étant donné que vous êtes tous prêts dans pas grand temps à devoir, vous allez devoir faire un choix de carrière. Et plusieurs ont tenté de vous sensibiliser à la biogénétique, plusieurs ont tenté de vous sensibiliser au clonage, différentes technologies très intéressantes aujourd'hui, l'exploration, la recherche. Moi, mon créneau, c'est le déplacement temporel. Alors, comme vous savez tous, n'est-ce pas, chers étudiants et chères étudiantes, vous assistez tous, pour les deux prochains mois, vous allez avoir à assister à plusieurs conférences comme ça de sensibilisation, conférences qui durent en moyenne une heure, pour vous amener à faire votre choix de carrière. Alors, la sensibilisation en ce qui concerne la mécanique des voyages transtemporels va se faire de plusieurs façons, c'est-à-dire que j'ai fait venir ici trois étudiants qui ont réussi leur cours physique 48424 et les autres avant, évidemment. Moi, j'ai juste une équivalence. Ah, lui, c'est l'équivalence, parce qu'évidemment, les équivalences sont acceptées depuis l'an 2123 dans les universités. Et eux aussi, n'est-ce pas, ont réussi leur cours. Alors, je vais accepter qu'ils me posent des questions en votre nom, étant donné que sans ça, on n'en sortira pas, on n'aura pas le temps. Et la sensibilisation va donc porter, ce n'est pas un cours, le cours dure plusieurs années. La sensibilisation va porter sur la mécanique du temps, certaines lois qui régissent le transfert des êtres humains à travers le continuum, et aussi probablement une petite couverture de la complexité des mécaniques à comprendre pour les personnes qui voudront travailler, donc minimum étudier, pour devenir des voyageurs transtemporels. Parce que il y a une certaine complexité à voyager dans le temps. Il faut connaître des mécaniques, il faut connaître des mécaniques psycho-émotives, il faut connaître des mécaniques physiques, il faut connaître les mécaniques du continuum, il faut connaître les mécaniques qui gèrent le temps. Et vous allez devoir changer, si vous voulez être voyageur transtemporel, vous allez devoir changer un peu votre vocabulaire. La médecine n'a pas leur vocabulaire, mais la médecine a leurs propres mots. Nous avons aussi nos propres mots. Et les mots sont intéressants et utiles uniquement pour déspiritualiser, désémotiviser la mécanique de voyage dans le temps, parce que si ce n'est pas fait convenablement, eh bien, les étudiants et les étudiantes font juste jouer entre le voyage astral, le voyage lunatique, l'imaginaire, et de temps en temps, un petit voyage dans le temps, ils ont la difficulté à faire le ménage. Donc, il y a aussi, on pourra voir un peu, j'ai amené ici une liste de quelques mots. J'ai préféré amener une liste parce que je me connais, si je n'amène pas de liste, on va en parler, je m'amène une liste, je vais me limiter. La majorité de leurs professeurs amènent des listes parce que s'ils n'ont pas de liste, ils sont limités. Moi, je m'en amène une pour me limiter, mais ça, bon. Alors, on va y aller avec, si vous avez des questions au départ, on va partir avec ça, sinon moi, j'en ai pour une heure et demie, alors. Oui, premièrement, c'est quoi un continuum? Qu'est-ce qu'un continuum? C'est un mot. Avec deux U. OK, continuum. Toi, U. Elle a réussi son français 843. C'est l'une des rares personnes qui, malgré le fait qu'elle est allée à l'école, sache encore écrire. Le continuum, c'est... Je vous dis, la conférence, elle est là pour vous sensibiliser, voyage dans le temps, puis en même temps, pour vous démontrer la complexité des choses, de façon à ce que vous puissiez faire un choix convenable. Quelqu'un qui veut faire, qui veut devenir médecin uniquement pour le salaire, il faut qu'il se rende compte qu'il y a bien des études à faire. Quelqu'un qui veut devenir voyageur dans le temps, juste pour aller voir sa grand-mère, faut aussi qu'il sache qu'il y a des choses à apprendre. Il y a toute une mécanique qui régit ça. Le continuum, c'est un mot qui essaie d'expliquer, de démontrer à l'être humain l'alliance entre ce que l'humain appelle le temps et ce que l'humain appelle l'espace. Donc, au départ, pour qu'un voyageur transtemporel puisse fonctionner d'une façon efficace, il doit être capable d'appliquer des mots dans la conceptualisation de sa compréhension, donc d'être capable de comprendre des démarches. C'est trop universitaire, dites-moi-le. Bon. Donc, un continuum, c'est l'alliance entre ce qui, antérieurement, à partir du 21e siècle en descendant, disons, on va dire du 20e depuis Albert Einstein, mais dans la compréhension des gens, pour eux, il y avait une dimension qu'on appelait le temps, et il y avait trois dimensions spatiales, la hauteur, la largeur et l'épaisseur. Bon. Et par la suite, l'humain s'est rendu compte que le temps et l'espace s'étaient intimement liés. Il y avait une formule mathématique, d'ailleurs, à l'époque, qui disait que T égale E et que E égale T. C'est-à-dire que le temps est une quantité d'espace définie et l'espace est une quantité de temps définie. Mais évidemment, ça veut simplement exprimer que le temps et l'espace sont donc intimement liés et que la dimension temporelle ne peut exister sans dimension spatiale et que l'espace ne peut exister s'il n'en a pas le temps. Donc, c'est relié. Le continuum veut donc dire que l'être humain doit comprendre, doit associer clairement dans son vocabulaire, dans sa conscience, il doit voir clairement que la matière et le temps, c'est la même chose. OK, je le vois plus dans un sens, moins dans l'autre, c'est-à-dire que l'espace a besoin d'un temps pour exister, je comprends. Mettons, la table, elle reste là, elle va durer 10 ans et ça va. Mais que le temps a besoin d'espace pour exister, ça, je vois moins le rapport. C'est plus abstrait, le temps. Je vois pas pourquoi ça aurait besoin d'espace pour exister. Parce que le temps est uniquement définissable par l'espace qui est en déplacement. Un instant. Peux-tu me dire ça? Et l'alliance en tout ça, bien, va donner la vitesse qui est la quantité d'espace qui aura été parcourue par un autre corps à travers une mécanique de temps. Mais on va passer ces détails. C'est des jeux de détails mathématiques. Que se passe-t-il quand le temps et l'espace se chevauchent? J'ai un exemple de... Je ne me souviens pas où c'est que j'ai vu ça, mais il y a un... Il y a un personnage, c'est décrit comme ça, il y a un personnage qui est accroché à, comme à un clocher d'église. Puis on dirait qu'il se tient après quelque chose. Là, les gens d'en bas voient ça. Puis ils se disent, coudonc, le gars a sûrement besoin d'aide. Tu peux peut-être la raconter mieux que moi, là. Puis peut-être. Il monte en haut, puis il essaie de le descendre. Oui, tu as vu ça, n'est-ce pas, dans une banque informatique hologrammique? Ça se passe, il y a de cela... plusieurs siècles. Bon, près 800 ans. C'était au 16e siècle, je crois. Et c'est relaté dans les histoires, dans le livre de bord d'un navire, ainsi que dans l'espèce de petit livre qu'un curé et qu'un maire d'un petit village en Angleterre tenait. Bon, il arrive donc au niveau du continuum. Le continuum, pour comprendre l'idée, bon, je vais compter dans l'histoire en question, puis ça va nous permettre d'expliquer certaines choses. Au niveau des lois basiques, mais là, ce sont des lois que je ne définis pas mathématiquement parce que, bon, c'est vraiment trop grand, trop long, mais le présent, le passé existe en même temps que le présent et le présent existe en même temps que le futur. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que l'être humain a la capacité de déplacement dans l'espace et pour la majorité des êtres humains, ça va. Pour vous, vous savez tous qu'on voyage dans le temps. Évidemment, ça fait des années qu'on le fait. Mais pour comprendre la mécanique, vous savez que vous pouvez marcher par là, et vous pouvez marcher par là. Donc, la hauteur, la profondeur, la largeur. Sauf que l'être humain a l'impression de ne pouvoir bouger dans le temps que dans une seule direction, qu'il appelle futur. Donc, l'humain est chrono... Trouvez le terme qui est employé à l'époque, parce qu'aujourd'hui, l'humain ne s'en sert plus, on va dire... c'est de la chronotropie. Voilà. Vous connaissez le terme phototropie? C'est utilisé encore aujourd'hui en botanique. Vous ne connaissez pas ça? Non. Bon, Seigneur, ils ont réussi français puis mathématiques, mais... Moi, je sais comment l'écrire, mais... Ah, c'est oui, français, évidemment. Je sais comment l'écrire. Phototropie, ça veut dire que la plante, par exemple, va suivre le mouvement du soleil. L'humain est chronotrope à ce niveau-ci, dans la majorité des cas, c'est-à-dire qu'il suit le déplacement du temps. Bon. Jusque-là, ça va. Oui. Oui. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain, donc, vous devez savoir, tout le monde, que nous pouvons nous déplacer dans le temps, à travers les continuums. On va revenir, donc, à la même mécanique, à l'affaire du clocher. L'humain peut se déplacer en hauteur, en largeur, en profondeur, et dans le temps, l'humain qui fait du chronotropisme, évidemment, va suivre simplement le déroulement du temps vers ce que lui appelle le futur, alors qu'il ne sait même pas qu'il y a une plénitude de futur possible dans lequel il se dirige. Sauf que l'humain doit comprendre qu'il a la possibilité de se déplacer aussi par en arrière dans le temps, de gauche à gauche dans le temps, à droite dans le temps, en haut dans le temps, en bas dans le temps. L'humain, le continuum temporel, le continuum spatio-temporel plutôt, la dimension temporelle, elle a les mêmes caractéristiques étant donné qu'elle est intimement reliée aux dimensions spatiales. Nous avons l'habitude, et uniquement avec la psychologie, l'humain arrive à voyager à travers sa mémoire, donc à travers le temps, mais c'est un voyage très, très, très linéaire quand même, et... Pour comprendre la mécanique des continuums, il faut qu'au départ, mais ça, à travers tout le reste du cours, vous allez pouvoir le voir mathématiquement et le voir aussi en termes d'expérience, que le passé, vous pouvez vous en souvenir parce qu'il est présent maintenant et le futur existe actuellement aussi, sauf que le futur existe dans une autre adresse temporelle, exactement comme ma maison, elle est dans une autre adresse spatiale, donc géographique. Ma maison n'est pas ici, une autre adresse spatiale. Et mon ancêtre, il est là actuellement dans une autre adresse temporelle. Et ça, c'est important parce que le déplacement, c'est ce qui est essentiel pour être capable de repérer précisément un chronotope, il faut absolument être capable de comprendre l'idée d'adresse. Un chronotope. Un chronotope, c'est un lieu bien défini dans l'espace et dans le temps. Autrement dit, actuellement, ce que les étudiants et étudiantes vont appeler le présent est un chronotope. Et le chronotope, c'est un lieu dans le temps. Et le chronotope, ça veut simplement dire que si moi, je m'en vais dans le futur, je dois être capable de me rappeler de mon chronotope de départ pour être capable de revenir là où je suis parti. Bon. Alors, l'adresse fait donc référence à un chronotope. Ça veut dire que le chronotope va le permettre à l'individu voyageur temporel de pouvoir comprendre, de pouvoir voyager dans une autre adresse spatiale, aller là-bas, et dans une autre adresse temporelle, elle est là-bas. Alors, il arrive de temps en temps que deux chronotopes peuvent se mêler. Donc, à un moment donné, vous allez avoir, et cette histoire, c'est l'une des histoires qui a été relatée par différentes personnes, donc qui, à l'époque, avaient connu une plus ou moins crédibilité, mais après vérification par 8 voyageurs temporels, on s'est rendu compte qu'effectivement, à cette époque-là, il y a eu mélange de chronotopes. Alors, j'ai déjà expliqué l'histoire dans une conférence que je donnais au 20e siècle, alors on va quand même la résumer. Alors, il y a effectivement, à un moment donné, un bateau, un navire qui a jeté l'ancre sur le bord d'une côte. Et puis, quand ils ont voulu lever l'ancre, ils n'ont pas été capables de lever l'ancre. Alors, ils ont envoyé un plongeur, deux personnes qui sont descendues pour décrocher l'ancre du fond de l'eau. Et finalement, ça a pris assez, à pas mal de temps. Et puis, à un moment donné, il y a un plongeur qui est remonté. Il n'y a pas de scaphandre autonome, évidemment. Ça plongeait avec très, très autonome, en tout cas. Ils retenaient leur souffle. Et puis, il y a donc un plongeur qui remonte, tout affolé, puis qui dit que le diable est en bas. Il explique des choses qui n'ont pas de sens. Il dit il y a un village en bas au fond de l'eau, puis les gens sont en train de noyer l'autre. Et finalement, bien, l'autre est remonté. Et l'histoire a plus ou moins été oubliée, mais en Angleterre, à un moment donné, bien, là, il y a des gens qui ont écrit, eux autres, ils vivaient sur la terre ferme dans un petit village. Et ce qu'eux autres ont vécu à un moment donné, ils étaient à l'église. Et subitement, ils ont entendu les cloches et des bruits majeurs dans le clocher. Alors, ils sont sortis dehors, tout le groupe. Et là, ils ont vu un bateau qui flottait dans l'air avec un ancre pris dans le clocher. Alors, ils ont vu deux gars qui sont descendus. Les gens avaient l'air à voler. Et puis, ils ont essayé de décrocher l'ancre. Alors, les gens, plus ou moins pris de panique, mais vu que ça venait du ciel, c'était Dieu. Alors, il y a des gens qui sont montés sur le clocher et qui ont essayé de retenir l'un des gars pour le descendre en bas. Et il y en a un qui a réussi à s'envoler, à remonter sur le bateau. Et le curé, à un moment donné, a fini par se rendre compte que le gars qui était retenu, il donnait tous les signes de quelqu'un qui va se noyer. Alors, il a réussi à le libérer, à crier à ses fidèles de le lâcher. Et la personne est repartie. Puis finalement, bien là, les fidèles ont décroché l'ancre. Et puis le bateau est parti. Ça, c'est un mélange de chronotopes. Où on a deux espaces spatio-temporels qui se touchent par courbure du temps et de l'espace. Donc, ils sont venus se toucher. Alors, est-ce que c'était à la même époque? Pardon? Est-ce que c'était à la même époque? C'était à la même époque, ça donne à la même époque. Oui, il faut s'entendre. C'était pas dans la même heure, donc il y avait déjà un mélange temporel et il y avait un mélange spatial. C'était plus ou moins dans la même époque. C'était dans la même époque. Époque, oui. Pas la même année, mais l'époque, oui. Parce que comment, il y a un bout que je ne saisis pas. Comment ça peut courber? Comment l'espace peut se retrouver? Ah, si c'est juste ça, vous ne comprenez pas. Tu m'expliqueras le reste, Annie. Ah, c'est ça, tu m'y expliqueras le reste. Ça prend français 3000. J'ai pas d'équivalence. Oui, ils ont fait l'étude de texte qui narrait des histoires, c'est pour ça qu'elle connaît. Mais on va y aller avec des questions plus simples avant, puis après ça, on pourra... Pas de questions plus simples? Oui, non, c'est pour voyager dans le temps, est-ce que ça prend... Est-ce que n'importe qui peut voyager dans le temps? OK. Donc, au départ, n'importe qui, non. N'importe quoi, oui. Donc, un voyageur peut amener n'importe qui. S'il considère le n'importe qui comme un n'importe quoi. Bien, c'est un peu ça qui est arrivé avec nous en l'an... Oui, c'est ça. Mais avant ça, qu'est-ce que c'est que voyager dans le temps, tu sais? Bon, oui, je sais. Tu sais? Donc, au départ, première chose, le continuum, l'adresse temporelle, bien comprendre ce que c'est qu'un chronotop, top avec un E. C'est pas un top chrono, qui était OP chrono. Comprendre ce que c'est qu'un chronotop, ça veut dire que l'humain doit au départ, puis ça, vous allez l'apprendre à travers le cours si vous choisissez, n'est-ce pas, Voyage dans le temps 804. vous allez comprendre, vous allez apprendre évidemment les mécaniques qui régissent cela. Mais au départ, tout le monde ne peut pas devenir un voyageur transtemporel parce qu'il doit comprendre clairement ce qu'est l'espace et le temps. Donc, il doit comprendre clairement qu'il va savoir pertinemment qu'il n'a pas vécu en l'an 1800 ou en l'an 1900 ou en l'an 1400. Il va savoir pertinemment qu'il vit présentement en l'an 1600, en l'an 1800, en l'an 1900, maintenant et en l'an ailleurs. Et il va avoir la capacité de se servir de ces espèces d'ancrages temporels-là dans d'autres adresses temporelles pour pouvoir établir un réseau de circulation. Mais encore là-dessus, on pourra revenir, c'est un peu compliqué, mais en temps et lieu... Mais est-ce qu'on peut choisir nos chronotopes? On peut choisir les chronotopes que l'on veut du moment qu'on a commencé à voyager dans le temps. Par la suite, on peut voyager dans n'importe quel endroit spatio-temporel dans un continuum déterminé. Ça veut dire que l'être humain, actuellement, n'a pas la capacité de changer de planète. OK, dans l'astral, tu peux faire ce que tu veux, bon. Mais au niveau de voyage temporel. Par exemple, aller porter des biscuits à Mère Grand en forêt, il faut que Mère Grand reste dans une forêt qui habite la planète. Sinon, tu vas arriver là-bas, sur une autre planète, mais tu n'auras pas de biscuits avec toi. Puis pourquoi? On est limité, c'est à cause de nos mémoires? Ou... Non, ça n'a rien à voir avec la mémoire, c'est une question de continuum, mais là, ça serait beaucoup trop complexe à t'expliquer, parce que tu nous demandais tout à l'heure comment le temps peut arriver à se courber. Bon, alors déjà que la gravité planétaire, ça fait toute partie ça, de la mécanique que le voyageur transtemporel devra comprendre à un moment donné pour assimiler. C'est que la gravité est en réalité, ce n'est pas une question d'attraction de la planète Terre, c'est une question de présence de masse dans le continuum. Et la présence de la masse dans le continuum courbe l'espace-temps autour. Et courbant l'espace-temps autour, les voyageurs transtemporels actuels n'ont pas de capacité énergétique suffisamment puissante pour être capables de quitter la courbure spatio-temporelle engendrée par la masse planétaire actuellement. Donc, on va rester dans le continuum, disons, constitué par la planète Terre, de maintenant, de plus tard, aller jusqu'à avant, en réalité, dans différentes adresses temporelles. Ça veut-tu dire que les corps physiques vont se densifier? Ou... Non. On va juste répondre à la question ici. Okay. Comment le temps peut-il se courber? L'expérience la plus banale, c'est lorsque vous prenez un véhicule de transport. Bon, vous avez le choix aujourd'hui. Et que ça prend, par exemple, disons, on va dire, vous allez à Tokyo, Montréal-Tokyo. Alors, au lieu de prendre 1h45, comme ça se fait normalement, subitement, vous embarquez dans le véhicule, on vous fait écouter quelque chose, parce que c'est bon, et puis, après 15 ou 20 minutes de votre temps à vous, vous êtes rendu à Tokyo. Et votre montre a bougé 1h45, tout a bougé 1h45, mais vous, dans vous dites, crime, ben non, il me semble qu'on vient de partir. Ça fait partie de la courbure de l'espace-temps, qui est faisable, d'ailleurs, vous allez tous pratiquer ça autour d'à peu près quoi, un an et quart après le début des cours. Cette courbure ici, ce qu'elle permet de faire, c'est que l'humain ne prend pas autant de temps que sa matière pour se déplacer à travers le continuum en mode chronotopique, c'est-à-dire en suivant le temps. Ça veut dire que l'humain va, lui, quelque part courber l'espace-temps. Donc, on va prendre ici un papier neuf. On est encore au papier. Oui, je vais ici. Bon. C'est fou, mais... Alors, voilà. Alors, donc, l'appareil fait Montréal-Tokyo en 1h45, ce qui est très long. Et puis, vous allez avoir la possibilité de devancer en tant qu'être humain et rattraper votre corps rendu à Tokyo. Mais ce qui se passe dans la réalité des choses, c'est que vous êtes ici et vous allez courber l'espace-temps à votre niveau pour 10 minutes plus tard, dans votre temps à vous, mais le corps ne suit pas au début, pour que, d'ailleurs, ça se pratique inconsciemment et involontairement, ça, depuis l'an 1300. Bon. Après le début du calendrier. Bon. Et vous allez donc courber l'espace-temps, et tout ce que votre matière va faire, vous ne le suivez pas, et vous allez revenir 10 minutes plus tard. 10 minutes, c'est quand vous n'êtes pas trop bon. Parce que sinon, vous embarquez dans l'appareil, fermez les yeux, ouvrez les yeux, vous descendez de l'appareil. Bon. Mais pour le voyage dans le temps, est-ce qu'à un moment donné, on va arriver à faire ça, mais en amenant le corps physique aussi? Oui, c'est ce qui arrive quand vous êtes un petit peu plus avancé, un peu plus chevronné. Sauf qu'évidemment, là, il y aura un paquet de sélections, parce qu'il faut faire attention au paradoxe temporel. Il faut faire attention à toutes les mécaniques qui peuvent apparaître. Donc, tout à l'heure, on posait la question, je ne sais plus qui, est-ce que tout le monde peut faire des voyages dans le temps? Il faut des gens qui sont hautement hauts. Il faut de très, très belles personnes. Il faut des gens scientifiques, des gens qui comprennent les mécaniques, mais les gens qui comprennent les mécaniques des religions, les gens qui comprennent les mécaniques des sociétés humaines, les gens qui comprennent les mécaniques, évidemment, de l'arithmétique temporelle. Il faut des gens qui vont être capables de voyager dans le temps pour l'utilité que l'on veut faire des voyages dans le temps. Sans déranger. Avec la connaissance des mécaniques, évidemment, de paradoxes temporels ou de problématiques qui peuvent apparaître. Donc, la courbure du temps se fait ici. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'image actuelle que l'humain a du temps, bien, je veux dire que la science maintenant est rendue plus avancée que ça, mais l'image que la majorité des gens ont, c'est une image où le temps est déterminé par le déplacement de la lumière dans le continuum. On dit que la lumière est limitée à 299 000, bon, on dit 300 000 km à la seconde. Faire un arrondissement, on prendra les détails plus dans les cours. 300 000 km à la seconde, la vitesse maximale de la lumière. Mais là, vous allez tous apprendre de toute façon au niveau arithmétique que la lumière va plus vite que 300 000 km à la seconde, mais qu'elle est comprimée par la courbure spatio-temporelle et c'est la présence du continuum qui l'oblige à rester à 300 000 km à la seconde. Donc, l'être humain va donc voyager d'une autre façon pour être capable de faire en sorte la lumière, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va suivre ceci. Elle suit tout le trajet de la matière, et la matière suit la même courbure que la lumière. Donc, avec la lumière, on peut voir la matière actuellement. Et avec la lumière, avec un laser, on peut calculer les distances. Parce que la lumière est confrontée à suivre la même mécanique. L'être humain a la capacité, avec une certaine pratique, le corps ne suivra pas encore, mais lui, de voyager autrement et de rattraper les véhicules qui, eux, ont voyagé ici. Donc, regardez ce que je veux que vous compreniez. On parle de courbure temporelle. Ce qui se passe, ici, je fais un dessin, évidemment, c'est que vous partez d'une adresse temporelle, on va dire 12 heures, et 10 minutes après, vous allez pénétrer dans les véhicules planétaires, donc le vôtre. Vous allez pénétrer dans une autre adresse temporelle qui s'appelle, par exemple, 13h45. Mais la matière, elle a fait tout le trajet pendant ce temps-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est voyager de toute façon, à un moment donné, vous allez être capable de le comprendre et même de le visionner. Et vous allez voir, c'est drôle au début. C'est drôle! Vous allez regarder quelqu'un qui marche, ils ont fait des essais, une personne qui marche, vous l'observez, puis subitement, vous allez vous rendre compte, par exemple, qu'elle lève le bras, vous allez voir son bras, et là, vous allez voir le bras ici, mais vous allez voir le bras encore là, et là, vous allez voir le bras ici, et vous allez voir le bras partout. Puis là, à un moment donné, la personne, elle va se tourner, et vous allez la voir qui se démultiplie, puis finalement, vous allez voir un amoncellement de structures bien bizarres, où on ne voit plus rien, parce que tous les mouvements de la personne possibles dans son continuum, vous les percevez en même temps. Là, ça veut dire que vous percevez une partie du continuum d'un individu. Est-ce que ça veut dire qu'elle est en train de voyager dans le temps ou c'est nous? Non, elle voyage de façon chronotopique, c'est-à-dire qu'elle avance comme une fleur vers le soleil, elle avance dans le temps. Sauf que vous allez être capable de maintenir votre vision à une heure, une seconde, 1 heure, 2 secondes, 1 heure, 3 secondes, 1 heure, 4 secondes, 1 heure, 5 secondes, vous voyez tous ces démarcations-là. Ça veut dire que vous ne bougez pas dans le temps? Vous bougez dans le temps tout en étant capable de conserver la vision de toutes les dimensions. Autrement dit, vous vous étalez dans le temps. Au niveau de votre vision, votre corps physique, de toute façon, il est déjà étalé dans le temps. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, vous allez finir par comprendre. Je sais que c'est compliqué, c'est pour vous sensibiliser, je ne sais pas combien il y en a qui vont s'inscrire. Bon. Mais, vous allez finir par comprendre que tout l'espace-temps et la matière, c'est plein. Je ne peux pas bouger comme ça. Donc, ma main doit se trouver partout. Et partout où je ne bougerai pas. Et donc, partout où je bouge. Vu que moi, je suis partout aussi, je vois chaque mouvement, parce que mon corps est à chaque Exactement. Endroit où vous bougez. Là, c'est le début, ce sont des pratiques de débutants. Bon, mais c'est une chose. Ça veut dire que ici, au lieu de... comment faire, pour que vous devez comprendre l'idée, comment puis-je faire pour en 10 minutes, si j'arrive à Tokyo 10 minutes après mon départ, moi, dans ma conscience, bien, il va falloir que j'attende 1h35 que le reste arrive. Non, parce que vous n'êtes pas parti à Tokyo, vous n'avez pas encore acheté votre billet, que déjà dans le continuum, le véhicule est déjà tout partout. Vous êtes déjà rentré à Tokyo. C'est un peu quand on prend une photo le soir, en gardant l'objectif ouvert, puis on voit au lieu de voir deux phares, on voit des traces. Wow. Quand on a un très mauvais appareil et qu'on ne sait pas s'en servir, non, mais quand c'est... Non, il y a des photos qui font exprès pour prendre, par exemple, une ville le soir avec les autoroutes, pour voir toutes les lignées, mais je veux dire, c'est le principe... C'est l'idée un peu de ce que tu vas avoir. C'est ça. Bon, pour revenir... la personne là, qui, 10 minutes plus tard, est à Tokyo, cette personne-là, elle a changé d'adresse temporelle, donc au lieu d'aller dans l'adresse temporelle, dans l'instantanéité, celle qui suit celle où ce qu'elle est, bien, elle est allée dans l'adresse temporelle qui est à 1h45 plus loin dans le temps. Oui. Mais là, moi, je suis... Ça, c'est un exercice de débutant, là. Si on explique, comment un débutant fait ça? Qu'est-ce qu'il fait, là? Il veut faire ça. OK. C'est trop long à expliquer, là. C'est vu que ce n'est qu'un dégrossissage de sensibilisation. On parlait plus de d'autres phénomènes. Je vais, par exemple, ici, vous expliquer des petits points importants au niveau phraséologique, ici très, très, très banal. Pour vous permettre de comprendre un peu ce qu'il en est. Après ça, on verra d'autres petites mécaniques là, au niveau des avantages. Juste avant d'aller plus loin, parce que moi, je trouve sa question pas mal intéressante. Est-ce que ça se passe dans la conscience de l'individu? Ça se passe où? C'est sans tout nous décrire le tableau. Là, c'est, le voyage temporel global est complet. Tu prends ton corps physique et tu te renvoies, tu traverses le temps. Ça veut dire que tu es ici, puis toute la salle change, tout est fait au complet. Tu t'en vas où tu veux aller. Et tu voyages dans l'espace et dans le temps, là où tu veux aller. Mais il y a des choses, il faut évidemment être au fait de l'histoire. Et quand je parle de l'histoire, moi je parle de l'histoire du futur, je parle de l'histoire du passé, de l'histoire du présent. Parce que dans les débuts, c'est pas dans mes cours, mais on a quand même déjà perdu deux élèves qui se sont retrouvés dans un endroit temporel intéressant, mais où l'atmosphère n'était pas respirable. Mm-hmm. Ils sont morts asphyxiés. Ça fait quand même plusieurs années de ça ici. C'était pas dans cette école-ci. Bon. Genre, faut pas que tu passes au Japon en 1945. Ouais, c'est ça. Disons, une seconde et demie après l'explosion de... Ça faisait chaud. C'est ça. Les petits garçons, là, il faisait chaud pas mal. Effectivement, il faut connaître un peu l'histoire. Mais est-ce qu'il faut C'est un voyage où tu te déplaces. Est-ce qu'il faut que je me trace un futur comme si je voudrais apparaître dans le fond de la salle là-bas? Est-ce qu'il faut que je me dise, bon, là, je vais prendre ma chaise, je vais descendre, je vais aller l'asseoir là-bas, mais non, dans non, le fond non, que non, je... Non, c'est plus simple que ça. Ça serait bien trop compliqué, ça. Il faut... Non, en faisant quelque chose comme ça, vous allez devoir faire intervenir l'imaginaire. Et pour le voyageur temporel, dans le début, aujourd'hui, évidemment, avec la préparation que les élèves ont, ils vont apprendre à éliminer ça. Non, ce qui va arriver simplement, vous êtes assis ici, puis lentement, vous allez voir tous les gens apparaître à l'endo, vous allez voir tout se former au complet, puis vous allez être assis en arrière. Mais vu qu'il y a plusieurs futurs possibles, comment qu'on fait pour... Pas encore la question, mais j'ai été voir, et il va la poser. Donc, on vient changer de... Oui, c'est ça. Ça veut dire que tu viens changer de futur. Parce oh que oui, là, je ne veux pas aller où c'est ça. C'est ça. On y va avec les mots. Là. J'ai pris mon cours, je suis plus l'autre. C'est fait une liste, il faut qu'il y pense. Alors ici, n'est-ce pas, on va voir le tel. J'ai amené seulement 5 ou 6 mots, là, histoire de ne pas perdre trop de temps, parce qu'après ça, je vais vous expliquer d'autres amusements. La chronobasie, c'est très important. Tout le monde doit comprendre ce que c'est que la chronobasie. Chrono, n'est-ce pas, basie. Et les termes sont très utiles. Pourquoi? Comme je dis tout à l'heure, pour faire en sorte que les gens puissent avoir dans leur langage une communication claire des mécaniques et non pas une communication basée sur l'émotivité. C'est très important au niveau des voyages temporels parce qu'au départ, L'être humain doit se dissocier de ce que... D'ailleurs, ça fait d'ailleurs partie des deux premières années de préparation au voyage temporel. Autant vous le dire immédiatement, les deux premières années de préparation au voyage temporel portent uniquement sur la psychologie humaine, sur la nature humaine, sur la constitution physique, énergétique, psychologique, émotive et intelligence de l'humain, de façon à ce que vous puissiez contrôler à l'intérieur de vous les mécaniques qui vont vous permettre de faire des voyages transtemporels. Ensuite, on voit évidemment les démarches même. Autrement dit, faire tous les prérequis, tous les concepts qu'on a depuis des milliers d'années. Ben, faire ce qu'on voit par les yeux, puis ce qu'on touche. Là. Oui, il faut simplement regarder ceci. D'ailleurs, ça fait partie ça, d'un cours d'un de mes confrères. On parle à l'humain, puis on lui demande simplement, on lui dit, on lève le bras comme ça, et on lui dit, tu vois ici le bras, là, bah, parfait. Alors, je descends lentement le bras vers moi-même. Quel est le muscle qui se contracte? Et dans la classe, tout le monde dit, ah, ben, c'est le biceps. Et alors, le biceps ne se contracte pas, c'est bien le seul muscle qui ne se contracte pas. Alors, je dis à la personne maintenant, bon, je recommence. Je laisse lentement descendre le bras ici. Quel est le muscle qui se contracte? 89% des étudiants disent, ah, c'est le triceps. Alors, je dis non, c'est pas le triceps. Le triceps, il se contracte vraiment pas. Non, là, c'est les biceps qui se contractent. Et là, les gens, ils pensent que j'ai les biceps en bas et le triceps en haut. À l'époque, il y a plusieurs années, les gens utilisaient une mécanique qu'on appelait ascenseur. C'était pour se véhiculer d'un étage à un autre. Et la question qu'on pouvait poser à l'époque était, qu'est-ce qui fait que l'ascenseur descend? Le moteur ou la gravité? Et la majorité des étudiants de l'époque disaient la gravité. Les professeurs ajoutaient, bien, si on coupe la corde, elle cesse de descendre. Non, les gens disaient, c'est le moteur, pardon, je trouve rien. Les gens disaient, c'est le moteur qui fait descendre l'ascenseur. Bien, si on coupe la corde, l'ascenseur cesse de descendre, vu que c'est le moteur. C'est la gravité. Si on prend ici, puis c'est pour ça qu'il faut bien comprendre toutes les petites mécaniques de contrôle du corps, de contrôle de la psychologie, des égos, parce que sans ça, on marche avec des mécaniques qui sont fausses. Mon bras ici, s'il descend vers moi, la gravité l'attire. Le biceps n'a rien à faire. Lui, il doit travailler pour qu'il me tombe d'en face. Donc, en descendant, c'est mon triceps. Si je laisse descendre le bras de l'autre côté, bien là, c'est mon biceps qui travaille pour que le bras tombe. Le triceps, il ne fait rien. Régulièrement, les étudiants qui n'ont pas suffisamment de connaissances et de compréhension des mécaniques agissent mal. Moi, je vais vous dire à un moment donné, c'est très simple, vous êtes assis, parfait. Alors, vous allez commencer par relaxer vos muscles. Et c'est important pour le voyage transtemporel, relaxer les bons muscles. Et pour la majorité des gens, relaxer un muscle veut dire l'oublier. Alors, il y a eu, là, quelques centaines d'années, il y avait des méthodes de relaxation où les gens écoutaient de la musique, ça disait « relaxer », blablabla. Bon. Et ce qui était vraiment dommage là-dedans, c'est que la personne finissait par partir en voyage astral et se mettait à rêver des gars bons, mais le corps était toujours aussi en tonus. Il y avait bien quelques muscles qui finissaient par se relaxer du fait de l'absence de la personne, mais le corps n'était pas décontracté, alors que l'individu devait rester là et décontracter le corps. Toutes les mécaniques que vous allez apprendre si vous vous inscrivez au départ, il y a donc 2 ans de formation qui sont là uniquement au niveau de l'humain pour que tel hémisphère cérébral fonctionne, pour que telle partie de l'hémisphère fonctionne, pour développer l'isométrie cérébrale au départ, qui veut dire un travail des deux hémisphères cérébraux très fonctionnels, parce que si on vous ferait passer le test, par exemple, d'écrire il fait. On écrit beau maintenant depuis longtemps. Bon. Et on vous demande de l'écrire avec votre autre hémisphère. Je vais essayer de vous décrire comme vous autres. Non, j'écris mieux celui-là. La majorité des gens vont se rendre compte, là, il faut que je force un peu, que ils vont écrire comme si leur hémisphère opposé était l'hémisphère d'un enfant de 3 ou 4 années. Donc, la première chose à faire, c'est d'arriver à avoir 2 hémisphères matures à l'intérieur du corps physique, donc les premières années, Enfin bref, c'est pour ça qu'il faut que les gens travaillent certaines choses, de façon à ce que par la suite, ils puissent être royalement fonctionnels au niveau des véhicules. Ensuite, l'individu va, on va revenir à mon mot ici, chronobasie. La chronobasie se définit par la capacité de voyager à travers le temps. Alors, je vous donne juste des exemples de petites mécaniques, mais au départ, l'être humain va faire une étude assez globale des mécaniques de chronobasie, c'est-à-dire de la capacité de voyager à travers le temps. Donc, quelqu'un qui fait de la chronobasie est nécessairement quelqu'un qui a la capacité de voyager à travers le temps. C'est simple, le terme est utilisé, c'est un chronobase. Voilà, un artiste. Ce qui est important dans les autres, juste les autres étymologies, juste pour vous amuser, sensibiliser un petit peu à la mécanique, c'est que l'être humain doit développer, évidemment, c'est évident, l'être humain va devenir chronograde. Alors ça, vous allez tout apprendre, évidemment, à devenir chronograde, et ça fait partie de la terminologie qui est utilisée pour que les individus, à travers les cours et à travers aussi les expéditions, puissent communiquer. Okay, juste pour revenir, chronobase, ça veut dire connaître suffisamment... Non, c'est simplement la capacité qu'a l'humain de voyager à travers le temps. C'est la mécanique de voyage à travers le temps. OK. On va la définir à plus grandiose que ça, là. Quelqu'un qui fait volontairement, là. Quelqu'un qui dit, je m'en vais en 1300, ça m'en 1300, je m'en vais... Non. C'est pour ça que je ne veux pas trop complexifier. Je vais vous donner une idée. La chronobasie, c'est la possibilité de voyager à travers le temps qu'a l'humain. Bon, puis ça, c'est une science qui donc définit plusieurs paramètres. OK. Comment tu appellerais ça? La connaissance des conséquences de telle sorte que tu arrives dans telle époque, tu vas agir de telle manière pour pas... Ça s'appelle de l'écologie. Oui, l'écologie qui, aujourd'hui, a une valeur plus réelle que là 200-300 ans. L'écologie, c'est la connaissance et la science de la compréhension des conséquences. Mais on sait que dès qu'on respire, on fait une différence dans une atmosphère. Fait qu'il ne faudra pas respirer le temps. Non, parce que vous allez finir par vous rendre compte que vous êtes déjà là. Actuellement, vous êtes partout. Ah, fait que c'est ça finalement. On ne voyage pas, on se réveille dans telle adresse. On ne se réveille pas. Et c'est pourquoi il y a des termes très importants pour éviter la spiritualisation et l'émotivisation des choses. Il y a une nuance entre je rêve à quelque chose, pince-moi, je me réveille. Là, vous faites la chronobasie, vous vous ramassez dans une époque temporelle, dans un chronotope particulier, puis là, on vient vous tapocher, vous dites, on va me réveiller, faites-en pas, tu ne travailleras pas, justement, tu vas t'endormir. Alors, tu vas te taper dessus. Mais ça, ouais, mais ça là, c'est de dire, on va où on est déjà. Non, c'est encore trop émotif. Là, il vous manque beaucoup d'informations. Je vous explique la complexité mineure, on est dans le mineur encore, des choses, la complexité pour l'apprentissage du voyage dans le temps contrôlé. Si vous y allez avec quelqu'un, avec un voyageur, ça va, avec un transcorporel, ça va aller. Un chronographe. Mais pour le faire vous-même, vous devez comprendre ces mécaniques-là. Et là, je veux juste faire un contour de ces mécaniques-là ici, de façon à ce que à vous intéresser, à vous inscrire, n'est-ce pas, mon cours. Moi, je payais pour la quantité d'élèves, tu vois. Non, c'est pas vrai, je suis payé depuis longtemps, mais... Bon. Chronograde. L'être humain doit... La première partie du cours, c'est la chronobasie. Deuxième partie du cours va toucher le fait de devenir chronograde. Et les termes ici, c'est un peu comme si je vous dis l'écologie. Ce qu'on dirait, c'est la science qui étudie la nature. Ah, c'est rien que ça! Mais non, c'est rien que ça, oui. Mais maintenant, vas-y, tu dis la nature, tu vas voir, c'est pas rien que ça. Qu'est-ce que c'est important? La médecine, c'est comment on guérit, puis... Ah, OK! Mais non, c'est... Ah, OK! Ça prend des années, ça prend... ça prend à peu près 2 années d'intensif de formation. Donc, être chronograde aussi, c'est l'étape qui va suivre au niveau du cours. Chronograde, pour ceux qui savent ce que veut dire plantigrade, vous savez ce que c'est, évidemment, vous avez tout réussi, au moins votre cours biologie 484. Alors, ça veut dire celui qui marche sur la plante, des pieds. ongulirades qui marchent sur les ongles, etc. Bon, comme certains animaux avec des sabots. Alors, chronograde, c'est toute la théorie qui concerne le fait de marcher dans le temps. Alors, nécessairement, la partie chronograde, donc l'humain doit devenir évidemment un chronograde. Donc, dans cette partie du cours, on va voir toutes les mécaniques qui sont nécessaires. On pourra tout à l'heure jeter un petit coup d'œil à travers chacun si on a le temps. Les mécaniques sont nécessaires pour permettre à l'individu de pouvoir déambuler à travers le continuum dans le temps. Un autre terme intéressant ici qui est très, très bien, c'est la chronesthésie, mais on apprend ça un peu plus tard ici. C'est ma secrétaire, elle va tout mélanger ça. Bon, on va le mettre de même pareil. Bon, encore qu'elle serait dans la salle. La chronesthésie, c'est quelque chose qui maintenant, ça fait partie de l'apprentissage moins théorique. De plus en plus, on va vers le moins théorique. La chronesthésie, c'est une démarche qui, c'est donc la troisième partie du cours, troisième année. Il y a beaucoup moins de théorie, par contre, il faut que l'individu travaille. Évidemment, il a été préparé suffisamment. L'individu doit être capable, je vais vous expliquer la chronesthésie pour commencer, c'est la capacité de percevoir le continuum, le temps et l'espace, comme étant quelque chose de plus ou moins, enfin, comme étant quelque chose de tangible. Je l'ai dit matériel, mais c'est pas ça. La chronesthésie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis capable de me promener, et à un moment donné, je suis capable de percevoir ce qui m'entoure, le continuum, pas juste l'être humain, pas juste l'émotion de l'être humain, pas juste l'ego, pas juste l'astral, pas juste la peur, pas juste le plaisir, mais je sens que tout ça au complet, ça existe. Pas philosophiquement. Ça veut dire que la chronesthésie doit être développée pour que lorsque vous avez une perception chronesthésique, vous allez dans pas grand temps être capable de fixer un chronotope. Qui est le terme qui va dans ces cours-ci, la chronotopie. Ça veut dire que la chronesthésie, c'est ma capacité de percevoir. Alors, à un moment donné, vous allez faire un voyage dans le temps et vous allez subitement voir un chronotope se mélanger à un autre. On parlait tout à l'heure de mélange et continuum. Alors, vous allez voir apparaître une autre image par-dessus l'image qui est là. Ça fait partie, ça, des mécaniques de chronesthésie. Donc, je commence à être capable de sentir le temps, sentir la mécanique temporelle, et je la sens réellement. Donc, j'ai un sens chronesthésique qui se développe. Et ça fait partie, un petit peu de théorie, de la pratique par la suite pour développer la chronesthésie, la capacité de percevoir le continuum là. Et non pas juste de l'imaginer, de le rêvasser, de le percevoir au niveau cérébral. C'est autre chose. Je commence à me rendre compte que si je me tasse comme ça, je vais voir, on goûte le temps. La chronesthésie. Chronesthésie, donc, c'est un terme, ça fait partie d'une des parties du cours. Une autre chose intéressante ici, on en a parlé un petit peu à un moment donné, c'est le fait d'être capable de retenir des spectrochrones. Le spectrochrone, ça fait partie encore des mécaniques de chronesthésie reliées évidemment au chronotope. Donc, je vous fais un résumé rapide, on va revenir sur d'autres points par la suite. Le spectrochrone, c'est directement l'image qui vient s'imposer sur l'autre image. L'être humain qui est capable de chronesthésie a donc la capacité de percevoir le continuum, il est capable de fixer un chronotope et par la suite, il va commencer à jouer volontairement. Donc, il apprend, évidemment, il y a des démarches pour cela. Il apprend à jouer volontairement avec les spectrochrones. Donc, il a la capacité d'appliquer des images, une autre image. Tout à l'heure, l'exemple que je vous donnais de la personne qui commence à se multiplier. Vous allez donc être capable de voir différents spectrochrones qui sont tous vous allez être capable de voir ça à la même place au niveau spatial dans un déroulement temporel qui est différent. L'étape qui va suivre au niveau du cours, c'est le voyage dans le temps proprement dit, avec évidemment la compréhension des mécaniques de déplacement à travers des canaux particuliers, c'est-à-dire que l'être humain va avoir, on fait des voyages de groupe où ce qu'on va visiter le passé dans des endroits où on nous attend. Et puis, par la suite, eh bien, vous allez être attaché à certaines expéditions. Et on vous révélera là en temps et lieu, au moins une petite question de même, mais on vous révélera là en temps et lieu les pourquoi de ces expéditions, à quoi elles servent et comment ça peut se faire. Est-ce qu'un voyageur dans le temps a accès à tout, toutes les époques, mais pas, non seulement toutes les époques, mais toutes les minutes, toutes les secondes, où il y a des couloirs? Non, il a accès au temps. Les seules choses qu'il y a, c'est qu'il y a des parties du futur où il n'aura pas accès. Le passé, le présent. Ce qui est important de comprendre, chers étudiants et étudiantes, c'est que vous pouvez voyager dans le temps. D'ailleurs, ça fait partie des plaisirs du débutant. C'est après trois ans et demi d'études. Vous pouvez voyager dans le présent aussi. De deux façons. Vous partez d'ici et vous êtes immédiatement à Tokyo. Vous partez d'ici et vous êtes immédiatement ici. Mais il n'y a plus personne autour de vous. Donc, dans un autre présent. Oui. Et c'est ça, il y a... C'est important. Vous êtes dans un autre présent. Mais là, il faut comprendre pourquoi ça prend un peu d'études pour les gens. Parce que juste le fait d'être capable de comprendre la nature même du temps, la nature même du continuum pour la majorité des individus, ça prend un bon laps de temps. Il y en a plusieurs qui calent leur cours. Parce que vous devez comprendre qu'il y a différents présents. Et c'est d'ailleurs, à travers l'histoire, il y a une petite partie historique, où l'étudiant découvre que dans le passé, vers la fin du 20e siècle, entre autres, et par la suite, antérieurement à ça, il y a des expéditions qui ont été envoyées là, où, lentement, il y a des personnes qui ont été amenées à glisser dans le continuum. Je vais vous dessiner un peu ce que ça peut donner. Vous partez du passé, présent, ici. Vous allez vers votre futur, mais le continuum, la nature même de l'existence, la nature même du continuum temporel, nous montre qu'il y a une infinité de futurs possibles, de passés possibles et de présents possibles. La majorité des êtres humains de l'époque antérieure fouillaient, savaient qui ils étaient en fonction de leur passé. Moi, je suis ceci, je suis cela, ou je suis la réincarnation d'un tel, ou je suis simplement tel métier, je suis un professeur. Ils savaient qui ils étaient en fonction de leur passé. Aujourd'hui, la majorité d'entre vous, vous savez qui vous êtes en fonction de votre futur, pour la grande majorité, et les autres, en fonction de votre présent, ce qui n'était pas le cas au 20e siècle, ce qui n'était même pas le cas au 21e siècle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui se sont passées. Donc, il y a des expéditions temporelles qui ont été envoyées vers la fin du 20e siècle, au début, 21e, et par la suite, 19, 18, 17, etc. Et ces personnes-là, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont permis à certains êtres humains de ces époques-là de glisser latéralement dans le continuum, c'est-à-dire que les personnes avaient un futur, un présent, un passé. Et lentement, lentement, la vision de leur futur, c'est-à-dire ce qu'ils veulent faire dans la vie, ce qu'ils pensent faire dans la vie, ce qu'ils désirent, bien lentement, ça s'estompe. Parce que la personne a commencé inconsciemment une mutation qui est physique, une mutation qui est neuronique et endocrinienne, elle a commencé lentement à glisser latéralement dans le continuum, ce qui fait qu'elle change de présent. Et ça, c'est un exercice que les étudiants vont faire aussi à un moment donné, juste aller voir ce que serait le monde aujourd'hui si telle affaire s'en était restée dans telle lignée temporelle. Par exemple, il y a eu une époque où les Soviétiques se sont dissous. Alors, l'Union des républiques socialistes soviétiques, vous pourrez lire dans les livres d'histoire, à un moment donné, c'était une grande nation, et puis ça s'est tout scindé en petits morceaux, qui a réussi d'un bord, puis un paquet d'autres. Et là, à un moment donné, on bouge latéralement dans le continuum pour aller voir à quoi nous ressemblerions aujourd'hui si elle ne s'était pas dissoute. Parce que ça existe actuellement. Mais nous vivons dans le continuum, dans un présent où ça n'existe pas. Et comme ça, on peut se promener. Et ce qui a été fait, c'est que par certaines expéditions, d'ailleurs, on recrute encore des gens pour faire d'autres expéditions, à un moment donné, les individus commencent à glisser. Et comme le glissement est très minime dans le temps, je glisse un petit peu, le présent semble être le même, mais le futur est changé parce que c'est vous visez, par exemple, avec un Mazer, vous visez quelque chose. Si vous tassez le moindrement à côté, là-bas, c'est énorme. Alors, ce qui arrive, c'est que l'individu glisse légèrement et son futur n'est plus le même, ce qui fait que lentement, les individus, à l'époque ici, perdaient... Mais c'est ça que je voulais faire, mais... Puis lentement, au fur et à mesure qu'il glissait, le futur devient flou. L'individu glisse latéralement dans le présent. Là, il avance un petit peu dans son futur, mais il glisse littéralement. Est-ce que c'est à cause de notre intervention du futur vers le passé? C'est exactement grâce à l'intervention de voyageurs transtemporels dans ces époques-là, que plusieurs personnes, finalement, ont commencé à glisser littéralement pour pouvoir abandonner un futur planétaire qui regardait plus l'apocalypse et finalement glisser à travers pour se diriger vers un futur planétaire où il n'y en avait pas. Mais est-ce qu'il y en a? Mais autant il y a des gens en affinité avec nous qui font des expéditions, mais il y a autant des gens qui ne sont pas en affinité avec nous qui font des expéditions aussi? Non. Non? Ça, c'est pas donné actuellement pour la simple raison qu'il faut une certaine transparence, une certaine intelligence. Il y a des règles particulières à la constitution du voyageur transtemporel au niveau psychologique. Il ne connaît pas la peur. Pour ne pas connaître la peur, il faut être anémotif, il faut être anégoïque. L'individu totalement bien centré, l'individu est totalement... Enfin, il y a plusieurs qualités, caractéristiques qui seraient très, très longues à énumérer, pour être capable d'arriver, un, à accepter la mécanique temporelle, à ne pas vivre de choc à travers le voyage temporel, à juste maîtriser la structure du corps, parce que vous faites référence aux histoires du passé, où chaque fois que quelque chose de bien était développé, il y avait toujours finalement un élève méchant et mauvais. Nos examens sont très sévères, nous autres, donc il n'y avait pas de problème. Qui finit par appliquer, mais non, ça ne fonctionne pas au niveau des voyages transtemporels. Ceux qui voyagent ne peuvent qu'être des gens corrects, sinon ils ne peuvent pas voyager. Okay. Quand on voyage, on peut avoir la possibilité justement de se déplacer dans le présent ou dans un présent qui est notre passé. On peut aller dans le présent, on peut aller dans le passé, on peut aller dans le futur. Ce sont des adresses temporelles. Donc, on peut déplacer un peu à notre guise, de façon intelligente pour enligner sur un futur qui fait qu'on est là. Oui, le paradoxe temporel apparaît. Il y a un petit cours là-dessus. Je vous en parle un peu ici. Vous êtes ici. Vous êtes ici et vous allez voyager ici et c'est le même présent. Le paradoxe, les paradoxes temporels vont apparaître uniquement si vous amenez des objets de ce présent-ci pour aller dans ce présent-ci. Mais il n'y a pas, à moins que vous les rameniez, je parle, si vous les laissez là. OK? Puis là, il y a un paquet de questions que les étudiants posent. Et quand ils les posent, ça prend des mois et des mois avant qu'ils comprennent. C'est que si je pars d'ici, est-ce que je vais me rencontrer là? Moi, quelqu'un qui a la conscience. Non, j'ai des étudiants qui posent ça. Je n'ai pas inscrit encore. Là, j'explique. Et qu'est-ce que tu leur réponds à ces étudiants-là? Pardon? Qu'est-ce que tu leur réponds à ces étudiants-là? Je leur réponds, j'ai bien fait de vous inscrire, puis après ça, je la barre sur le sujet. Donc, si vous pouvez, puis ça fait partie des choses que l'étudiant a souvent la difficulté à comprendre, il y a d'autres mécaniques, de façon à apprendre, mais je passe les détails ici, là, ça serait bien. J'ai déjà été à la pêche avec moi-même, puis puis j'attends un peu plus de poissons que moi, en tout cas. C'est ça, moi, histoire. Je dis qu'on peut se rencontrer. Non, mais on peut... Ou ben non, c'est... Mais non, mais ça, quand on fait le tour. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez... Vous n'aimez pas votre présent actuellement, vous pouvez changer de présent, ça va déranger personne. Voilà. Oui, c'est simple à dire, là. Et c'est pourquoi je ne vous donne pas la clé totale du voyage tant que vous n'aurez pas été diplômé, comme ça, pour ne pas aller vous vanter dans d'autres temps que vous avez été diplômé ailleurs. Mais quelqu'un qui a la conscience d'avoir tout, qui a la conscience d'être partout dans le temps en même temps, ça fait pas justement qu'il n'existe plus dans le temps? Non, la personne, elle existe dans le temps. Non, elle existe totalement, elle existe bien là, elle va là, elle existe là. Exactement comme... Donc, elle peut se rencontrer. Ah oui, elle se rencontre. Elle se rencontre là, on parle de deux rencontres. Deux cas physiques, la question là. Que je voulais que les étudiants posent, évidemment, c'est qu'est-ce que... Si moi, je décide de changer de présent, est-ce qu'on reste d'où dans ce présent-là? Comment ça se fait de bord qu'il n'y a pas d'autre ici? Est-ce que mon présent ici l'est? Mais c'est pas ça qui se passe. Mais c'est trop compliqué à expliquer. Mais il y a des réponses à ça. Ce serait plaisant d'avoir. Oh, mais lui, tu fais ses recours. Le fait que tu changes... Le fait que tu changes de présent... l'autre, normalement, devrait s'effacer. Là, en tout cas, le véhicule physique devrait s'effacer. Pourquoi? Non. N'essayez pas de comprendre ça. Ben, c'est parce que la même chose que tu peux déplacer deux objets matériels... En philosophie, je tombe de cours. C'est le cours de philosophie. Oui, mais si on se densifie, là... Mais non, écoutez, je suis là. Ça va bien, là. Bon, d'autres questions? Oui. À quoi ça peut servir de voyager dans le temps, à part que de enligner un... Comparer les prix. Non, mais du tourisme. Ah non, mais... ça, c'est... Mais si une infinité de pensées, une infinité de futurs, finalement, si on voyage dans le temps, il n'y a pas d'histoire qui existe. C'est évident qu'il n'y a pas d'histoire qui existe. Si tu peux la changer comme tu veux. Tu ne la changes pas, tu changes d'histoire. Mais tu changes la tienne. Tu changes d'histoire. Tu vois comment c'est tellement plus plaisant de travailler avec des étudiants qui ont au moins rendu en troisième année. Ah, mais l'histoire existe. Oui. Pour les autres. C'est ça. Ce sont pas des paradoxes. Il faut absolument... Mais ça, il y a tellement de façons dans les premières années, les premières techniques. C'est une logique plus large. C'est comprendre les choses. Pendant les premières années, les étudiants, tout ce qu'ils apprennent, c'est justement ça, c'est se former le cerveau. Être capable de supporter de l'inconnu, supporter les chocs, être capable de voir des choses, éliminer la valeur. Parce qu'à un moment donné, tu finis par avoir tellement de valeurs particulières au niveau de ton émotivité que le voyage temporel devient une problématique. Parce que tu vas à l'époque, il y a une époque assez intéressante, l'époque du roi Agamemnon. Un jour, si vous inscrivez, on pourra peut-être faire un tour. Ça dépend si tu es esclave. Non, Agamemnon, c'est un bon roi. Et puis, tu vas là, en deux périodes de guerre, là, il y a eu un petit 6 mois à un moment donné où est-ce que quand même c'était beau. Et puis, tu ne veux plus revenir. Mais le voyageur transtemporel va être suffisamment centré dans son intelligence pour être capable d'aller là, d'apprécier, de se nourrir et de faire ce qu'il a à faire et de continuer à vivre. Et la seule ça? Différence qu'il y a, c'est exactement comme... d'ailleurs, ça fait partie... La façon la plus facile en quatrième année de pratiquer, de comprendre, de répondre à ces questions-là, c'est que la personne pose une question, on part, on va dans le temps et on lui montre. Mais ce serait très bien. Okay? Non, c'est pas ça serait. C'est. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous allez être capable de vivre émotivement des choses, comprendre des mécaniques, parce qu'il y a un élève à un moment donné qui lui, il était en deuxième année, bon... Et lui, ce qu'il disait, si j'aime, par exemple, la place d'Agamemnon, c'est un exemple que je ramène souvent, est-ce que je peux, bon, c'est rien que 6 mois de paix, mais est-ce que je peux, moi, après 3 mois, de revenir au début? Ben oui, trois c'est mois ça. Revenir au début, puis... mais à un moment donné, vous allez être nombreux. Mais pourquoi on ne peut pas choisir son adresse temporelle? C'est ça. Est-ce que j'appartiens à mon présent? Non. Ça fait partie... des premières années, je ne vais pas répondre à ça, c'est parti des premières années, où vous devez, psychologiquement, j'en parlais tout à l'heure, voyez pourquoi c'est important de bien vivre, comprendre l'humain au départ, comprendre cette mécanique-là, pour être capable d'éliminer les valeurs émotives qu'on place aux choses. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, vous allez venir avec moi dans le temps. On va rencontrer Agam. Et puis, je connais bien Agam. Bon. Et puis, alors, on rencontre Agam, et puis, vous aimez ça. Mais vous allez être entraîné à apprécier un continuum, à vous nourrir d'un continuum, et à respecter tel ou tel continuum. Et vous allez surtout vous rendre compte que vous pouvez voyager. Alors, à un moment donné, dans le cours, une des choses les plus intéressantes, c'est lorsque l'on s'en va rencontrer des gens qui reçoivent pour la première fois un voyageur. Et comme ça fait longtemps qu'on va là, nous, on est tous déguisés, on est organisés, on a des maisons là-bas, etc. Fait qu'on fait rien que changer de déguisement, ça passe. Bon, il y a du monde qui nous attend. Quand on arrive, ils viennent ici, puis il n'y a pas plus de gens dans le village. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un voyageur qui arrive, qui marche, il rentre là avec ses bébelles, son arme, ses cossins. Et puis là, le monde lui demande d'où ce qu'il vient, parce que les villageois là-bas ne sont pas convaincus que ça existe, le monde. Puis lui, il explique qu'il vient de... C'est Londres. Puis il commence à parler de Londres. Le monde, il n'en revient pas. Comment tu peux vivre à Londres? C'est des grandes... C'est des milliers de personnes. Il y a été 300-400 000 à l'époque. Et puis, le monde n'en revient pas. Et à un moment donné, on s'en fait retour dans l'Ouest américain, où tu as des grandes plaines, les gens y partent, le monde a de la misère à se donner. Le monde se demande, les colons qui arrivent là, comment tu peux vivre là-dedans? C'est perdu, c'est immense, c'est grand, t'as plus. Même chose à travers le temps. Et les gens, les élèves comprennent vite que quand tu commences à voyager à travers le temps, c'est comme les premiers voyages à travers l'espace. Aller sur la Lune, aller là, ouais, mais je ne voudrais plus jamais revenir. C'est faux. Après ça, tu voyages là, tu reviens là, tu vis là, t'as des choses à une place. Et tu fais une vie qui est très, très, très, très, très intéressante, mais à travers le continuum. Et là, tu élimines tout ce qui te plaît moins. Ma question... La question, c'est que l'heure est finie. Ouais, pour les étudiants intéressés, rendez-vous dans 248 ans. Bon, les prémices de ça, c'est la fin de semaine PMC, c'est le prix. C'est sûr que ça se fait déjà au 20e siècle. Le pauvre n'est pas aussi. Ils vont prendre des gens déjà pour des contacts. Mais ça vous donne quand même une idée. Il y a plein de choses qui se font. Et de toute façon, en prochaine conférence, on va parler de...